L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous, chers amis. Non, vous n'êtes pas sur RTL, les grosses têtes non plus. Vous n'êtes pas sur Rire et Chanson. Vous êtes bien sur votre web radio préférée, Osmose Radio. On est mardi soir, il est 19h, passé de quelques minutes. C'est donc l'heure du loup qui démarre. Pour vous accueillir et pour présenter cette émission, comme d'habitude, eh bien, c'est le clown blanc, hein, qui ne dit rien mais qui assure derrière ses manettes, Abel, ainsi que l'Auguste, outrageusement maquillé et exceptionnellement volubile, Stéphane, pour vous accompagner pendant une heure pour une sélection rock et new wave, comme à l'accoutumée. Pourquoi je précise le clown blanc, l'Auguste, ce soir? Eh bien, parce que, exceptionnellement, hein, en cette veille de 1er avril, j'avais envie de me défouler un petit peu dans la playlist et de vous faire quelque chose qui va se complaire dans le sordide et le graveleux et parfois le vraiment lourd. Donc je vous annonce la couleur de suite et vous savez à quoi vous en tenir pendant une heure d'écoute. Et pour commencer justement, eh bien c'était une reprise d'un morceau bien pourri, un morceau de variette, un morceau de dance qui avait occupé les ondes il y a une petite dizaine d'années. C'était un groupe roumain qui faisait ça, une bande de boys band un peu craignos qui s'appelait Ozone. Et le groupe Audio Smog a repris ce morceau, Dragostad in Tay, en version un peu plus rock. Et donc c'était pour ouvrir cette playlist ce soir. Allez, j'ai dit que j'allais me complaire dans les trucs un petit peu sacrilèges, donc en commençant avec un morceau de dance variétoche pourrave d'il y a fort longtemps en plus. Eh bien, je vais continuer dans le côté sacrilège et lèse majesté avec un morceau vénéré entre tous, le fameux Blue Monday de New Order, qui a fait l'objet d'une reprise, de maintes reprises, mais d'une en particulier que j'aime bien, une reprise salsa par Los Fulanos, Blue Monday. Los Fulanos avec le titre Blue Monday. C'est évidemment, vous l'aurez reconnu, une reprise de New Order, mais une reprise très très loin de l'original. Et donc voilà, je vous l'avais dit, hein, un crime de lèse-majesté. Je suppose que je me suis fait des ennemis en passant cette reprise qui est fort peu, un petit peu irrévérencieuse on va dire, par rapport à la version originale, par rapport au public aussi qui vénère ce morceau célébrissime du début des années 80, Blue Monday. Mais bon, j'avais trop envie, hein, une version salsa qui prend autant de liberté et qui en même temps rend hommage finalement peu ou prou à ce morceau célèbre. C'était quand même assez couillu et c'était bien trouvé. Voilà, donc bah écoutez, hein, je me suis fait quelques ennemis, disais-je, mais c'est pas grave. Je vous avais prévenu, ce soir c'est une playlist parodique, c'est ma playlist Poisson d'Avril dans l'heure du loup. Alors oui, pourquoi je vous passe ça? Parce que dans votre entourage, hein, demain, 1er avril, vous aurez forcément des enfants peut-être un peu facétieux qui vont vous faire des surprises. Vous avez sûrement un collègue de boulot un petit peu lourd qui va vous raconter son énième histoire de Toto, etc. etc. Du coup, ben, pour vous endurcir, je prends un petit peu d'avance et je vous prépare à la dure journée que peut-être que certains vivront demain avec une playlist parodique, une playlist Poisson d'Avril. Ce soir, donc, une playlist Rock and New Wave avec pas mal de morceaux parodiques notamment et que j'ai trouvé assez amusant et que j'avais envie de partager avec vous, les amis, histoire de rire un peu, vu que parfois l'actualité ne s'y prête pas forcément. Donc profitons-en. Parodique, disais-je, on vient d'en avoir une petite idée avec cette reprise gentiment parodique, donc une version salsa du titre, d'un titre de New Wave qui s'appelle Blue Monday. On va continuer en s'attaquant à un monstre sacré, ce coup-ci le fameux groupe Les Beatles, qui en 1966, sur l'album Revolver, sortait le morceau Paperback Writer. Et bien justement, le morceau s'est fait revolveriser par un groupe parodique français qui s'appelle Les Bidochons. Le morceau sorti en 66 et 20-25 ans plus tard, Les Bidochons en faisaient une reprise qui francisait un petit peu les paroles, mais sans respecter du tout le texte original, puisque ça parlait d'une situation qu'on a tous vécue d'au petit coin, qui nous a parfois sans doute causé beaucoup d'embarras. J'en dis pas plus, je vous laisse imaginer. Tout de suite, on écoute le titre, Pas de papier, water. Mais y'a pas de papier, alors comment je vais faire? Pas de papier water, pas de papier water. Ça c'est pas hygiénique et ça laisse des traces. En plus y'a quelqu'un qui veut prendre ma place. Mais j'ai bien envie de me rhabiller. C'est un vrai challenge pour les lessiviers. Pas de papier water, pas de papier water. Get Back, mais avec l'accent lyonnais, ben ça donne Get Back, mais avec l'accent lyonnais. À l'instant, c'était Star Shooter, l'ancien groupe du chanteur Kent, qui aujourd'hui pousse la chansonnette. Et à l'époque, dans la fin des années 70, c'était l'époque où cet homme-là, Kent, portait des chaussures à damier et des blousons jaunes fluo, puisque c'était le renouveau de la scène rock française dans cette période de la fin des années 70, avec ce groupe gentiment punk, Star Shooter, un groupe qui était originaire de Lyon, il me semble, avec ce titre Get Back, qui lui aussi est une reprise des Beatles, une reprise même irrespectueuse, plus qu'irrévérencieuse carrément, mais bon, en même temps c'était un petit peu l'époque, et quand on voit l'engouement un petit peu artificiel qu'il y a autour aujourd'hui des concerts de Paul McCartney, on se dit que parfois quand même ça va un petit peu loin, mais bon bref, ça n'engage que moi. Oui, disais-je, eh bien, on va continuer dans cette playlist de rock un petit peu irrévérencieux, humoristique et souvent parodique. Okay, j'ai envie de faire un petit clin d'œil notamment à une des seules émissions de télévision qui me fait regretter de ne pas avoir de poste de télévision justement, c'est Groland, une émission que vous aimez sans doute vous aussi, et une émission qui depuis un peu plus de 20 ans pousse un humour assez cynique, assez sauvage et assez tordu sur les ondes de la télé, enfin maintenant c'est la TNT vous me direz, mais bon vous m'aurez compris quoi, pour l'image et ouais donc pour l'image, mais pour le coup on est à la radio, mais j'avais quand même envie de me faire une idée en image et en musique de l'ambiance de cette émission là et de leur délire, avec notamment le générique qui avait été composé par le groupe attitré de l'émission, les producteurs de porc, et d'ailleurs tout de suite on va écouter le générique de Groland qui s'appelle God Save the President. Groland is our country, the country of your dreams. Excuse-moi, ton micro est allumé, hein. Vous êtes sur Radio Poussin, bonjour les zouzous, tout de suite on s'écoute Chantal Goya. Non, non, non, ne partez pas, attendez, je vais pas passer Chantal Goya, hein. J'ai dit une playlist humoristique et parodique ce soir, mais je sais jusqu'où ne pas aller trop loin, hein. Comme disait Jean Cocteau, l'audace c'est de savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. À l'instant, donc vous l'aurez compris, c'était deux morceaux un petit peu gentiment parodiques avec tout d'abord les producteurs de Port avec le titre God Save the President. C'est le groupe officiel, officieux, on s'en fout, qui a composé notamment le générique de les fameuses émissions Groland. Et ils viennent du Schnorr, je crois aussi, comme les animateurs de cette émission-là. Et c'était enchaîné juste avant avec, de l'autre côté de la frontière, une bande de petites Belges pleines d'énergie et au franc-parler, vous l'aurez compris en écoutant ce morceau qui s'appelle Grand Con et en exergue donc de ces deux morceaux enchaînés. C'était une virgule que j'avais écoutée dans le Palma Show, cette fameuse émission gentiment parodique, elle aussi, avec Radio Zouzou, hein, et les petites choses qu'on fait quand le micro est éteint. Non, non, ne comptez pas sur moi pour vous donner des anecdotes graveleuses sur ce qui se passe à Osmose Radio quand les micros sont éteints. Hein. Ne comptez pas sur moi, ou alors payez-moi. Quoi qu'il en soit, puisque j'en étais à parler de stupre avec ce morceau, Les Vedettes et Grand Con, puisque j'en étais à parler de stupre et de fesque, de fesque. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai un cheveu sur la langue, moi? Ah, c'était pas un cheveu, c'était un poil. Ah, c'est dégueulasse, je veux pas savoir où j'ai attrapé ça. Bon, bref, l'endroit où je fourre ma langue, c'est ma vie privée, hein, après tout. Par contre, l'endroit où je fourre mes doigts, c'est ma vie publique. Et du coup, je vais vous dire, hein, sur quoi j'ai mis la main, justement, ce soir, et que je vous ai ramené, les morceaux que je vous ai ramenés pour cette playlist. Et puisque j'en étais à parler de choses un petit peu coquines avec ce dernier morceau, eh bien, on va aller franchement dans le vif du sujet. Vous me direz, la saison s'y prête, c'est le printemps, vos hormones travaillent. Les miennes aussi, rassurez-vous. Et ben écoutez, on va y aller franco avec un morceau d'un groupe indépendant français que j'aime bien. J'avais déjà eu l'occasion de vous en parler une paire de fois. C'est le groupe Jade Voyot qui, dans 85-86, je crois, mais je sais plus sur quel album, avait sorti un morceau qui nous rappelle, hein, que l'humour, c'est un petit peu bestial, que l'amour et le désir, ça rend bête, dans les deux sens du terme. Et je vous propose de vous en faire une idée tout de suite avec ce morceau sympa et au texte un petit peu ambigu. Tout de suite, Jade Voyot avec le titre « Ophélie ». On éloigne les enfants du poste et certains parents aussi. Allons, messieurs, il faut payer. Veuillez allonger la monnaie. concepts d'attraction équestre, un spectacle porté sur le sexe, un show tout à fait insensé, exceptionnel et prohibé. Lentement, elle s'avança, l'embrassa, le caressa, accroupi sous le dada, l'animal aime ça. Ophélie, zoophile, pour moi comprendre est difficile. Je le vois à son battement de cils, cette fille fonctionne pile. Revenir. N'arrive pas à couper. Bah, qu'est-ce qui se passe? Avec les ciseaux de ton oreille. C'est pas de chance alors. Tant pis, allons nous recoucher. T'as raison. Parmi nos tessons de bouteilles. Oui, perdons pas de temps. Laisse-moi tailler à des dondons. Ah, avec un épluche légume. Ah, de plus bas. Puis refais-moi. Tatouage au porte-plume. T'en raffole, hein? Faire, mais bon, c'est quand même une dépêche qui nous vient de l'AFP avec source du Los Angeles Times. Je crois que cette dépêche AFP tourne un peu sur Internet depuis un petit bout de temps maintenant. Alors, je vais tout de suite... J'ai fait le tour de la rédaction tout à l'heure, RTL. Personne n'a voulu faire cette dépêche de l'AFP. Alors moi, je me suis dit, bon, vas-y, lance-toi. J'ai demandé l'autorisation de mon chef pour la faire. Alors, au début, maximum respect, pardon Brigitte Bardot, pardon la SPA, pardon j'aime les animaux, etc. Mais je vais vous livrer un petit peu la dépêche de l'AFP, qui est une dépêche très sérieuse, et qui commence comme ça. Accrochez-vous, vous avez des petits là ? Emmenez-les se coucher, il va falloir mettre des bips Jean-Pierre. Alors, dépêche AFP. Après coup, craquer l'allumette a été ma grosse erreur, mais j'essayais seulement de récupérer le hamster, a raconté Eric Tomaszewski au docteur stupéfié de l'unité de brûlure sévère à l'hôpital de Salt Lake City. Tomaszewski et son partenaire homosexuel, Andrew Kiki Farnum, ont été admis pour un traitement d'urgence. Alors, il y a la déclaration d'un du couple. J'ai poussé un tube en carton dans son rectum et j'ai glissé Ragot, notre hamster, à l'intérieur, a-t-il expliqué. Comme d'habitude, mon partenaire Kiki a crié Armageddon pour indiquer qu'il en avait assez. J'ai essayé de récupérer Ragot, donc qui est le petit hamster qui ne sortait pas. Il a donc regardé dans le tube et il a craqué une allumette pensant que la lumière pouvait l'attirer. C'est là où ça se complique un petit peu. À une conférence de presse, un porte-parole de l'hôpital a décrit ce qui s'était passé ensuite. L'allumette, en fin de compte, a enflammé une poche de gaz intestinal et une flamme a jailli du tube enflammant les cheveux de Tomaszewski, évidemment, et le brûlant sévèrement à la figure. Et elle a aussi mis le feu au pelage du hamster qui, à son tour, a enflammé une poche qui était un peu plus loin dans l'intestin, propulsant le rongeur comme un boulet de canon. Alors, le final, c'est que Tomaszewski a été brûlé au deuxième degré, c'est pas drôle. Il a eu le nez cassé par l'impact avec le hamster. Tandis que Kiki, le partenaire de l'autre, il était brûlé premier et en second degré, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle, mais on n'aurait pas pu inventer un truc comme ça. C'est impossible autrement. Un bon réalisateur, il peut partir de ça et faire un sacré film. C'est une dépêche de l'AFP. Pardon Brigitte Bardot et Hamster, tout, pardon. J'aime les animaux. Je sais plus si c'est Aristote, si c'est Descartes, ou bien si, encore si c'était Jean-Paul Sartre. Zut, je sais plus c'est lequel. Qui disait, dans la vie, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui enflamment leur prout et ceux qui jouent avec les animaux. Eh bien, vous venez d'en avoir un exemple avec cette dépêche AFP. Hein. L'heure du loup est une émission musicale, mais là, pour le coup, pour la playlist un petit peu particulière de ce soir, ma playlist Poisson d'Avril, j'avais envie de passer des petites choses un petit peu originales, notamment cette anecdote qu'on avait pu entendre à la radio il y a une petite dizaine d'années, qui avait bien fait rire tout le monde pour un fait divers que d'aucuns qualifieront de sordide, mais qui malgré tout a bien fait rigoler beaucoup de gens à mon avis, et pour ceux qui en ont eu connaissance évidemment, parce que c'était un petit peu délicat à aborder sur les grands canaux d'information. Donc l'histoire de ce garçon, on se fout pas mal qu'il soit homosexuel, c'est pas la question, je veux dire, parmi les hétéros que j'ai eu l'occasion de rencontrer, il y avait pas mal de cochons décadents, donc vous douterez bien évidemment qu'il s'agissait pas pour moi de me moquer de qui que ce soit, simplement de rappeler cette anecdote qui était quand même assez risible de ce garçon qui avait fait des choses avec son hamster qu'on n'oserait même pas imaginer et qui a fini à l'hosto. Moi, ça me fait d'autant plus rire que c'est arrivé à Salt Lake City, une ville qui est connue pour être la capitale des Mormons aux États-Unis, une communauté religieuse connue pour son rigorisme. Je ne dis pas sa rigidité, hein, je dis même son rigorisme. Voilà, je vous laisse en tirer les conclusions que vous voudrez. Soyez les bienvenus sur Osmose Radio si vous nous rejoignez, les amis. Donc, vous l'aurez compris, ce soir, vous êtes bien dans l'heure du loup et en guise de playlist rock et new wave, eh bien, ce sera ce soir une playlist particulièrement parodique avec une sélection musicale pas piquée des hannetons, hein, je ne vous le cache pas, avec des morceaux qui étaient gentiment parodiques et qui parlaient aussi de Fesque, donc disais-je à l'instant. On va continuer puisqu'on parlait de Fesque et la finalité de tout ça finalement, hein, c'est la reproduction. C'était le grand dessein du Seigneur, comme disaient les Mormons dont on parlait à l'instant. Eh bien, la reproduction... On s'extasie toujours devant les parents, etc. Et c'est très très mignon, mais on parle jamais de la solitude du fœtus qui n'a pas vraiment les moyens de nous en témoigner non plus. Eh bien, il y a un groupe qui avait parlé de ça, c'était il y a une trentaine d'années, c'était le groupe Edith Nylon, un groupe de la scène rock indépendante française du début des années 80, de tous ces groupes Taxi Girl, tout ça, qu'on qualifiait de jeunes gens modernes à l'époque, parce qu'ils apportaient un petit peu de renouveau. Eh bien, Edith Nylon avait sorti un titre qui parlait de tout ça de manière gentille et amusante aussi à l'époque, quoique avec un humour un petit peu cynique et un petit peu hargneux. Tout de suite, je vous propose d'écouter un titre de cette époque-là, Edith Nylon, avec le titre « Avortons ». jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune ? J'aime pas le rock. Il est inimitable, il est inappréciable, il est inoubliable, il est inégalable, il est inattaquable, il est inestimable, il est indispensable, il est indiscutable. J'aime pas le rock. J'aime pas le rock. Il n'aime pas le rock. Ah non, j'aime pas le rock. Alors je déteste le rock. J'ai horreur du rock. Il n'aime pas le rock. Je hais le rock. J'abomine le rock. Je maudis le rock. Il n'aime pas le rock. J'aborde le rock. Je méprise le rock. J'exècre le rock. Le rock est haïssable, le rock est détestable, le rock est exécrable, le rock est lamentable, le rock est déplorable, le rock est méprisable, le rock est imbuvable, le rock est effroyable. Oh mince, il aime pas le rock. Il est inqualifiable, il est déraisonnable, il est intolérable, il est inacceptable, il est insupportable, il est insoutenable, il est inconcevable, il est abominable. Pourtant le rock c'est bad quoi. Il n'aime pas le rock. Ah non j'aime pas le rock alors, ah non. Il n'aime pas le rock. Ah non ça me dégoûte le rock alors, ah j'aime pas ça alors. Il n'aime pas le rock. Ah ouais j'aime que la veuve qui est douée de toute façon alors. Déjà à l'époque, il y avait des gens qui aimaient pas le rock. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais en 1961, Jean-Yann se faisait l'écho dans ce morceau qui était évidemment un morceau parodique vu le calibre de ce monsieur-là, qui déjà à l'époque était connu pour ses outrecuidances télévisuelles ou radiophoniques. Jean-Yann avec le titre J'aime pas le rock, et c'était enchaîné juste avant avec une petite virgule, un petit extrait en fait d'un film que j'avais beaucoup aimé, un film de Cédric Lapiche qui s'appelait Le Péril jeune, et un film que je vous recommande là encore, et c'était enchaîné enfin juste avant avec un morceau de la fin des années 70, un groupe qui s'appelait Edith Nylon, avec un morceau un petit peu ambigu, hein, à l'époque où justement la loi sur l'avortement venait d'être pérennisée en 79, hein, elle avait été votée dans un premier temps en 75 pour une période expérimentale, et en 79 ça avait été confirmé, non sans mal, parce qu'il y avait eu pas mal de manifs de militantes à l'époque, d'après ce qu'on m'avait raconté, moi j'étais pas encore là à l'époque, mais je veux bien le croire, et donc c'était Edith Nylon avec le titre Avortons, un morceau là encore gentiment parodique sur un thème qui à l'époque était d'actualité, qui tente à le redevenir d'ailleurs. Voilà, donc dans ce contexte post-électoral, hein, je vous cache pas que en vous ramenant le morceau Avortons, j'ai pensé à notre ex-président Sarkozy. En ramenant le morceau God Save the President, j'ai pensé à notre présent président, Monsieur Hollande. Et je sais pas ce qui sera des prochains, mais je trouverai quelque chose aussi, j'en suis sûr. Enfin, si je dispose encore de la liberté d'expression, bien entendu. Quoi qu'il en soit, eh bien, puisque Jean-Yann n'aimait pas le rock, on va écouter un petit peu autre chose, hein, après tout. Et on va écouter de la variette guimauve bien mièvre d'il y a une trentaine d'années, histoire de nous changer un petit peu ce qu'il y a dans les oreilles et faire évoluer un petit peu la playlist vers des choses un peu plus respectables, genre Chérie FM. Respectable Chérie FM, magnifique oxymore. Quoi qu'il en soit, on va écouter un morceau d'un duo en fait du début des années 80, de deux beaux gosses qui étaient un petit peu trop maquillés à l'auto-bronzant et qui étaient beaux comme des BHL allemands, puisque c'était des teutons, il me semble. C'était les Modern Talkings qui avaient fait une chanson qui s'appelait You're My Heart, You're My Soul, qui a été un carton à l'époque, qui a été un gros succès, comme la disco allemande est capable d'en produire à la tonne, comme la disco suédoise, vous me direz aussi. Et bah justement, nous on a, à côté de Lyon, du côté de Vienne, on avait deux DJ qui s'étaient amusés à en faire une parodie. Deux couillons qui forment le duo Sono 4000, qui en avait fait une reprise, mais en français. Ce qui donne le texte est aussi couillon, mais c'est vrai que quand c'est en anglais, ça passe. Quand c'est en français, ça nous paraît beaucoup plus ridicule. You're my heart, you're my soul. Et bien, en français, ça donne tu es mon cœur, tu es mon âme. Tout de suite, Sono 4000. Hello, les amis. Wouh! Vous êtes sur le répondeur de Sono 4000. Laissez votre message. Dans mon cœur, il y a un feu, mon cœur brûle. Dans mon cœur, j'ai le désir d'un début. Je meurs d'émotion, c'est bon pour l'imaginaire. Je vis dans mes rêves. What? Tu peux monter un peu la guitare? Ouais, comme ça, c'est bien, là. Tu es mon cœur, tu es mon âme. Je le garderai brillant partout où je vais. Tu es mon cœur, tu es mon âme. Je te garderai pour toujours, resterai avec toi ensemble. Tu es mon cœur, tu es mon âme. Yeah, je me sens que notre amour se développera. Tu es mon cœur, tu es mon âme. C'est la seule chose que je sais vraiment. Solo. Super. Merci. Fermons la porte et croyons mon cœur brûlant. Se sentir bien, viens, ouvre ton cœur. Laisse brûler les bougies. Laisse ton cœur se mélanger au bien. Je vis dans mes rêves. Tu es mon cœur, tu es mon âme. Je le garderai brillant partout où je vais. Tu es mon cœur, tu es mon âme. Je te garderai pour toujours, resterai avec toi ensemble. Tu es mon cœur, tu es mon âme. Yeah, je ressens que notre amour se développera. Tu es mon cœur, tu es mon âme. C'est la seule chose que je sais vraiment. Tu es mon cœur, yeah. Tu es mon âme. Ah, yeah, je ressens que notre amour se développera. Tu es mon cœur, yeah. Tu es mon âme. Ah, c'est la seule chose que je sais vraiment. Si BHL avait fait de la musique, ça aurait donné les Modern Talking. Ben heureusement, il s'est abstenu. Enfin, il a fait du cinéma, vous me direz. Mais du coup, on a tourné ça en dérision avec les deux DJ de Sono 4000 qui reprenaient ce morceau des Modern Talking d'il y a 30 ans. You're my heart, you're my soul. Ça donnait tu es mon cœur, tu es mon âme dans une version couillue et couillonne. Allez, on va aller vers des choses un petit peu différentes. Puisque la fin de l'émission approche. Et vous savez, si vous êtes des auditeurs réguliers d'Osmose Radio, que la radio, justement, c'est un média qui se prête à beaucoup d'interprétations, puisque sur cette antenne, sur d'autres aussi, bien entendu, on vous passe de la musique, on vous passe des interviews, des infos, des lectures. Et pour ma part, il y a un genre radiophonique que j'aime beaucoup, c'est le feuilleton radio, qui a eu son heure de gloire dans les années 30, 40, 50, à l'époque où la radio était le média principal dans les ménages. Ça a été remplacé notamment par les séries télé, etc. Mais on a tous à l'esprit donc la performance d'Orson Welles qui avait effrayé les États-Unis à l'époque en adaptant La Guerre des Mondes à la radio dans une version très très réaliste. Les gens avaient vraiment cru que la guerre civile avait commencé. Dans un autre style, en France, on a eu La Famille Duraton qui, dans les années 60, passionnait les gens comme Plus belle la vie aujourd'hui. C'est un autre style, mais ce n'est pas moins légitime. Et pour ma part, j'ai vraiment vraiment beaucoup d'intérêt pour ces feuilletons audio, de la même manière que j'aime suivre certaines séries télé, par exemple. Je me laisse embarquer et mon imagination travaille parce que je n'ai pas d'image, mais c'est aussi agréable. Et parmi les feuilletons audio que j'aime à suivre, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, un petit peu plus, qui est l'œuvre d'un garçon qui s'appelle Pen of Chaos. C'est son nom d'artiste, il est écrivain, il est musicien, et donc il avait employé son temps libre à créer une saga audio disponible en MP3 gratuitement sur Internet. qui n'était donc pas faite pour être diffusée à la radio, mais qui reprenait le principe des feuilletons audio tels qu'on les a connus à la radio, à l'époque de la TSF ou plus récemment. Et donc, c'est le fameux donjon de Naheulbeuk. Alors, vous avez forcément un petit cousin, un jeune adulte dans votre entourage, un garçon un peu geek qui connaît forcément, mais je vais quand même faire un petit rappel. Donc, en fait, c'est une saga qui se déroule dans un univers d'heroic fantasy. Vous pensez au Seigneur des Anneaux, notamment, et toute cette littérature ou ce genre cinématographique. Et donc, c'est un genre parodique de cet univers-là, avec des personnages un petit peu caractéristiques. Vous avez un barbare qui aime cogner et faire la guerre. Vous avez une elfe qui est méga bonne avec des gros seins, mais pas beaucoup de cervelle. On va dire c'est une blonde, quoi. Vous avez le nain, c'est un radin. Il cherche de l'or, mais il veut jamais payer une bière à qui que ce soit, etc., etc. Enfin, vraiment des personnages assez odieux, chacun dans leur genre, mais qui sont tellement savoureux quand ils sont tous ensemble. Et donc, qui se réunissent en une petite compagnie d'aventuriers qui doivent retrouver, bon, ben, comme dans toutes les sagas d'aventure de ce genre-là, faut sauver une princesse, récupérer un trésor et battre le méchant dragon et le méchant sorcier. Rien de très original, mais avec la verve gauloise, j'ai envie de dire, de Pen of Chaos et celle qui prête à ses personnages, c'est en plus très bien monté et depuis un petit peu plus de 15 ans, ça fait le bonheur des internautes geeks francophones un petit peu partout en France et dans le monde parce que ça a du succès notamment au Québec, voire au Chili. Allez comprendre pourquoi. Donc voilà, j'avais envie de vous passer, de revenir aux fondamentaux pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette saga, en vous passant le premier épisode qui vous donnera, je l'espère, envie de découvrir les autres. Évidemment, je vous mettrai des liens pour approfondir si le cœur vous en dit sur le Facebook de L'Heure du Loup. Pour le moment, je vous propose d'écouter le premier épisode de la compagnie des aventuriers qui peuple le donjon de Naheulbeuk. Et merde, on se les gèle ici. Brrr. Tiens, voilà quelqu'un. Salut! Tu viens pour l'aventure? Eh ouais, je suis le nain. Ça se voit. Et ça, c'est le donjon? Effectivement, c'est le donjon de Naheulbeuk. Il a pas l'air terrible. Faut pas s'y fier, car personne n'en est ressorti. Ah bon? Faut dire aussi que personne n'y est entré. Ah! Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Bonjour, bonjour! Hey, voilà l'elfe! Quoi? Eh oui, c'est moi. Mais qui est ce petit personnage? Je suis un nain, connasse. Un nain? Et... mais quelle horreur! D'ailleurs... Mais ouais, c'est ça. S'il vous plaît. Ouais, commencez pas à vous battre. Trop content, allez. Voilà, c'est déjà le bordel. Vos gueules! Il y a un mec bizarre qui s'approche. Salut à vous, belle compagnie. Vous m'attendiez? Bah non. Tu viens pour le donjon? Certes, je suis le voleur. C'est quoi ça? Un monstre! Salut! Ah, mais qui voilà donc? Je suis la magicienne, et voilà l'ogre! Mais on comprend rien quand il parle! Je vous ferai la traduction! J'espère bien, parce que là... Salut! Ah! Tiens donc, un paysan! Je suis un barbare! Aucune différence! Je crois que c'est ça la différence! Il est con! Tarlouze! Vous allez vous calmer? Bon, alors on dirait que le groupe est au complet. Est-ce que vous avez bien tous votre équipement? Mais bien sûr qu'on a notre équipement. Est-ce que vous avez des torches? Mais bien sûr qu'on a des torches. De quoi manger? Mais ouais, on a pris à manger. Est-ce que vous avez à boire? Mais bien sûr qu'on a de la boisson. Est-ce que vous avez vos armes? Mais bien sûr qu'on a des armes. Ah, mais tu vas la fermer, oui? Aïe! Il est lourd, ce nain. Qu'est-ce qu'il y a? Il a envie de chier. Ah, c'est malin, il aurait pu faire à l'auberge. Bon, vas-y, on t'attend. Oudaf, Zog Zog. Ah là là. Les ogres sont sensibles. Rien à foutre. Les ogres sont parfois poètes. Ça nous intéresse pas. Mais ils pourraient aller plus loin quand même. Les ogres peuvent chanter et danser. J'ai dit, ça nous intéresse pas. Un ogre peut faire la cuisine ou les papiers peints. Tu veux vraiment mon poing sur la gueule? Eh ben, puisque c'est comme ça, restez inculte. Notre ami bedonnant est de retour. Ok. Bon, bah j'aimerais bien rentrer dans le donjon, moi, j'ai froid. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il a faim. Mais on a mangé il y a 2 heures. C'est vraiment un ventre, cet ogre. Bon, l'ogre peut toujours manger un sandwich avant d'entrer, mais qu'il se dépêche. Zog Zog Akita. Au fait, quel est le but de notre mission? Je n'ai pas bien compris tout ce que cet homme encapuchonné m'a raconté. Moi, j'ai pris des notes. Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skellos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Eh ben... mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pas grave, c'est toujours bien une prophétie. Ça dépend. Des fois, ça parle de détruire le monde. Enfin, ça serait vraiment pas de bol. On entre. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a terminé son sandwich. Super. Nous devons trouver une solution pour entrer dans ce donjon. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a encore, la Uri ? Il dit qu'il a soif maintenant. Ah, mais qu'il boive et qu'il nous foute la paix. Soloda glouglou. Ouais, parce que là, on perd du temps. Ah, j'en ai marre, il fait froid, je me barre. Mais... bon débarras. Une équipe pérave, un donjon qui ressemble à rien. Ah, ouais. Elna, reste avec nous, sinon tu vas faire plaisir à l'elfe. Ah, chiotte. Ah, touché. Oh, voilà, quoi. Bien vu. T'as raison. Rien que pour l'emmerder, je vais rester. Rien à foutre. Moi, je vais ouvrir cette porte. Hé hey. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je frappe pour qu'on vienne nous ouvrir. Bravo ! Ça va être discret comme entrée. Mais quel con ! Oh, n'importe quoi ! Regardez ! Attention, ça s'ouvre ! Vous voyez, ça marche ! Ah bah, c'est dingue ça ! Mes amis, la porte est ouverte. Et voilà les amis, que vous soyez amateurs d'Heroic Fantasy ou pas, j'espère que vous aurez apprécié la verve franchouillard et l'humour un petit peu décalé de ce premier épisode de la saga audio, le donjon de Nullbuck, que vous retrouvez en téléchargement gratuit sur internet. Voilà, c'était l'heure du loup ce soir avec une playlist parodique, avec une playlist pleine d'humour et de délire en particulier que je tenais à vous faire en cette veille de 1er avril. C'était la playlist Poisson d'avril sur Osmose Radio. Pour nous quitter les amis, puisque Goran Bregovic sera bientôt en concert dans la région, j'avais envie de passer un petit peu de musique de brass band, hein, ces fameux ensembles de cuivre, ces orchestres de cuivre, trompette, tuba et tutti quanti. Et justement, il y avait un groupe qui correspondait et à ce genre de musique-là et à l'état d'esprit de l'émission ce soir. C'est un groupe qui s'appelle Pastor of Muppets. Alors les Muppets, hein, vous pensez évidemment les fameuses marionnettes de Jim Henson que vous connaissez à la télévision. Et Pastor of Muppets, en fait, c'est un jeu de mots sur Master of Puppets, qui est un morceau de Iron Maiden, le fameux groupe heavy metal britannique. Groupe qui avait fait notamment un de leurs titres, un de leurs hits les plus connus, c'était The Trooper et Pastor of Muppets, et justement un ensemble de cuivre qui avait joué notamment au Hellfest il y a quelques années, et qui reprennent des titres de métal, mais en version cuivre, en version un petit peu balkanisée, mais dans le bon sens du terme, parce qu'en général quand on parle de balkanisation c'est toujours des drames politiques. Là en l'occurrence j'ai envie de parler de balkanisation en musique et en bons délires musicaux avec cette version cuivre d'un titre de heavy metal de Iron Maiden, The Trooper, repris par les Pastor of Muppets. Voilà les amis, vous pouvez éteindre votre radio ou continuer à écouter la playlist du soir d'Osmose. De toute manière, vous pouvez reprendre une activité normale. C'était exceptionnellement la playlist Poisson d'avril de l'heure du loup, qui était, je vous avais prévenu, particulièrement pourri ce soir, mais bon sang, qu'est-ce que c'est bon et à présenter et j'espère à écouter. Voilà, on se quitte les amis avec les Pastor of Muppets. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, mes petits loups, tout de suite, The Trooper.